Hey Nas, balance-moi une grosse prod là, j'ai la dalle! Ah mon frère, j'en ai une là, mais faut la kicker sévère, hein! Aïe aïe aïe! Elle est dingue celle-là! Classique volume 2, parce que Métastyle va remettre les pendules à l'heure! Commence par t'acheter une horloge, hein. Écoute! J'ai pas 3 zéros dans mon compte, ma gueule, je vais tirer dans le mille. J'arrête le rap, ils m'ont baisé les gars, poisson d'avril. En pleine crise d'adolescence, comprends que je fronce des sourcils. Facebook est un film d'horreur, ma couille, Amityville. Flow dévastateur, je dévaste ta sœur. Avant t'y croyais pas, maintenant tu fais squatter. Je t'avais dit que t'allais repasser. Quand tu poses, je prends des chaussures à scratch pour éviter de m'enlacer. Ils prennent mes ex, ils prennent mes restes, repassent sans ma couche. Elle m'a sucé avant toi et tu repasses sur sa bouche. La parole me rend dingue, pas le crainte, je suis serein. Dans ton boule, je rentre la seringue. Pas d'une instru, je te fais, je te fight en fiche, je t'éclate. J'aime tellement pas la police que j'évite de faire les packs. Des rappeurs doux à époux, j'en ai la phobie. J'sais que c'est dur d'être en dessous, mais bon, faut bien armé. La drogue, la thune, la coupe, la cesse. Tirer dans le cachet, pas gagne dans le coin de cesse. Canet, la famille à la mosquée ou à la confesse. S'relever, bonhomme vaillant, grosse caisse. Armé, pour ta grande la thune, va coûte la cesse. Tirer, t'es comme gâchette, pas gagne dans le camp adverse. Canet, la famille à la mosquée ou à la confesse. S'relever, bonhomme vaillant, grosse caisse. Assume, assure, fais le grand garçon. J'lâche un souffle de fraîcheur, tu deviens un grand glaçon. Le seul trempe avec les pulsions que j'lâche. Je connais pas le boss du rap game et dis-lui qu'il devra employer une femme de ménage. J'suis au-dessus de tout le monde, j'ai l'impression de vivre autre part. J'suis une bombe à retardement, un missile gros bâtard. Tellement excellent, jamais du mouvement. Rap ressemble à Chartata, à pleine avortement. Avant de combattre l'ennemi, renseigne-toi sur son charisme. J'ai croisé que de la merde dans mon chemin, pourquoi je déteste les choristes. À quoi bon sert tout m'ensemble gros pour finir en solo. Mes rappeurs fouillent le sac à leur sœur pour trouver un label. Ah non, j'voulais dire la bello, tout niquer le fallait. Pour suicide, je conseille les rails ou la falaise. Tous les mises dans les caves devraient s'équiper de mascara. Promets symptômes de la chouin, se blinder de mascara. Bah, armé, la drogue, la thune, la coupe, la cesse. Tirer, les gens cachent, pas gagne dans le coin adverse. Canet, la famille à la mosquée ou à la confesse. S'relever, bonhomme vaillant, grosse caisse. Armé, pour ta grande la thune, la coupe, la cesse. Tirer, les gens cachent, pas gagne dans le coin adverse. Canet, la famille à la mosquée ou à la confesse. S'relever, bonhomme vaillant, grosse caisse. Oh non non non non non. Armé. Ah ouais putain. J'avais pas le droit là j'avoue. Tirez. Maintenant c'est moi je vais devoir mixer ça. Canet. Ah non mon frère. C'est un homicide sur mes deux oreilles. Putain. Aïe aïe aïe. Armé. Eh mais tu sais que là tu vas me mettre un coup au moins. Tirez. Je veux dire après il va falloir que je pose un. Canet. Derrière ça. Ouais tu sais quoi. Je mets la main à la 20ème comme ça personne peut rappeler derrière. Ah c'est bon. Le beat armé. Il est mort. Meurtrier d'état. Tirez mon gars. Eh mais toi t'es pas un homme. Canet. Wesh mon frère t'as 16 ans. Tu fais des sons t'as les 37 ans. Aïe aïe aïe. Oh là armé. Putain. Classique volume. Tirez les gars. Eh Canet. Nous a coupé ta style pour les petites meufs hein. Se relever. Eh, c'est pas un bonhomme vaillant. Grosse caisse.